Marius, à cette époque, était un beau jeune homme. Au temps de sa pire misère, il voyait que les jeunes filles se retournaient quand il passait. Depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg, l'allée qui longe le parapet de la pépinière, un homme et une toute jeune fille, presque toujours assis côte à côte, sur le même banc. Marius examina, pendant 2 ou 3 jours, cet homme vieux, qui n'était pas encore un vieillard, et cette petite fille, qui n'était pas encore une personne. Puis, il n'y fit plus aucune attention. Eux, de leur côté, semblaient ne pas même le voir. Ils causaient entre eux, d'un air paisible et indifférent. La fille jasait sans cesse, et gaiement. Le vieux homme parlait peu, et par instant, il attachait sur elle des yeux remplis d'une ineffable paternité. Marius avait pris l'habitude machinale de se promener dans cette allée. Il les y retrouvait invariablement. Ce personnage, cette jeune fille, quoiqu'ils parussent, et peut-être parce qu'ils paraissaient éviter les regards, avaient naturellement quelque peu éveillé l'attention des 5 ou 6 étudiants qui se promenaient de temps en temps le long de la pépinière. Courfeyrac les avait réservés quelque temps, mais, trouvant la fille laide, il s'en était bien vite et soigneusement écarté. Il s'était enfui, comme un parte, en leur décochant un sobriquet. Frappé uniquement de la robe de la petite et des cheveux du vieux, il avait appelé la fille « Mademoiselle la Noire » et le père « Monsieur Leblanc ». Les étudiants disaient « Ah ah, Monsieur Leblanc est à son banc !» Et Marius, comme les autres, avait trouvé commode d'appeler ce monsieur inconnu « Monsieur Leblanc ». Marius l'évitait ainsi presque tous les jours à la même heure pendant la première année. Il trouvait l'homme à son gré, mais la fille assez maussade. La seconde année, Marius fut près de 6 mois sans mettre les pieds dans son allée. Un jour enfin, il y retourna. Il alla droit à, entre guillemets, son allée, et quand il fut au bout, il aperçut, toujours sur le même banc, ce couple connu. Seulement, quand il approcha, c'était bien le même homme. Mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. La personne qu'il voyait maintenant était une grande et belle créature, ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme, à ce moment précis où elles se combinent encore avec toutes les grâces les plus naïves de l'enfant. Quand Marius passa près d'elle, il ne put voir ses yeux, qui étaient constamment baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains, pénétrés d'ombre et de pudeur. Cela n'empêchait pas la belle enfant de sourire, tout en écoutant l'homme à cheveux blancs qui lui parlait, et rien n'était ravissant comme ce frais sourire avec des yeux baissés. Dès le premier moment, Marius pensa que c'était une autre fille du même homme. Mais la seconde fois, il reconnut que c'était la même. En 6 mois, la petite fille était devenue jeune fille. Celle-ci n'avait pas seulement grandi, elle s'était idéalisée. La seconde fois que Marius arriva près d'elle, la jeune fille leva les paupières. Ses yeux étaient d'un bleu céleste et profond. Elle regarda Marius avec indifférence, et Marius, de son côté, continua sa promenade, en pensant à autre chose. Les jours suivants, il revint comme à l'ordinaire au Luxembourg. Comme à l'ordinaire, il y trouva, entre guillemets, le père et la fille, mais il n'y fit plus attention. Il ne songea pas plus à cette fille, quand elle fut belle, qu'il n'y songeait lorsqu'elle était laide. Il passait toujours fort près du banc où elle était, parce que c'était son habitude. Un jour, l'air était tiède. Le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Marius passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux vers lui. Leurs deux regards se rencontrèrent. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Ce premier regard d'une âme qui ne se connaît pas encore est comme l'aube dans le ciel. C'est une vierge qui regarde comme une femme. Le lendemain, à l'heure accoutumée, habillé de neuf, Marius mit des gants, luxe prodigieux, et s'en alla au Luxembourg. Arrivé au Luxembourg, Marius fit le tour du bassin et considéra les signes, puis il demeura longtemps, en contemplation, devant une statue. Puis il fit encore une fois le tour du bassin. Enfin, il se dirigea vers son allée, lentement, et comme si elle allait à regret. On eût dit qu'il était à la fois forcé et empêché d'y aller. En débouchant dans l'allée, il aperçut à l'autre bout, sur leur banc, Monsieur Leblanc et la jeune fille. Il marcha sur le banc, comme je dirais, Hannibal marcha sur Rome. Mais, à mesure qu'il approchait, son pas se ralentissait de plus en plus. Parvenu à une certaine distance du banc, bien avant d'être à la fin de l'allée, il s'arrêta. Il ne put savoir lui-même comment il se fit qu'il rebroussa chemin. Il atteignit le bois posé, puis revint, et cette fois, il s'approcha un peu plus près du banc. Quelques secondes après, il passait devant le banc, droit et ferme, rouge jusqu'aux oreilles, sans se jeter un regard à droite ni à gauche, la main dans son habit comme un homme d'État. Au moment où il passa, il éprouva un affreux battement de cœur. Elle avait, comme la veille, sa robe de damas et son chapeau de crêpe. Il entendit une voix ineffable qui devait être sa voix. Elle causait tranquillement. Elle était bien jolie. Il le sentait, quoiqu'il n'essayât pas de la voir. Il dépassa le banc, alla jusqu'à l'extrémité de l'allée qui était toute proche, puis revint sur ses pas et passa encore devant la belle fille. Cette fois, il était très pâle. Il n'essaya plus de s'approcher du banc. Il s'arrêta vers la moitié de l'allée et là, chose qu'il ne faisait jamais, il s'assit. Au bout d'un quart d'heure, il se leva, comme s'il allait recommencer à marcher vers ce banc qu'une auréole entourait. Cependant, il restait debout et immobile. Puis, il se tourna brusquement du côté opposé au banc, à M. Leblanc et à sa fille, et s'en revint chez lui. Ce jour-là, il oublia d'aller dîner.